Chapitre 21e. Monsieur de Luxeuil, après avoir placé dans le coffret la lettre qu'il venait de parcourir, et désirant ou plutôt mettre un terme à une scène insupportable, assez rassuré d'ailleurs par la promesse de Cricri à l'endroit de la casse, mais d'autre part fort interloqué par cette dernière menace, dont vainement il cherchait le sens, « Je serai assis, mon voisin », monsieur de Luxeuil reprit « Vous avez entendu les ordres que je viens de donner à mon valet de chambre. Ma voiture m'attend. Je vais m'habiller. » « Adieu, ma chère, et si vous êtes raisonnable, au revoir. »« Au revoir. Je le crois parbleu bien, » répond Cricri, allant à la cheminée allumer un nouveau cigare. Monsieur de Luxeuil, préjugeant alors que les Fontaines ne songent nullement à sortir, s'écrie hors de lui. « Croyez-vous donc, mademoiselle, que vous resterez chez moi, malgré moi ?»« Il est 5h15, » répond Cricri entre deux bouffées de tabac. « À 5h30 sonnante, je m'en irai, voisin. »« Allons, soit. » répond M. de Luxeuil, se croyant quitte à bon marché, ainsi que l'on dit. « Puisqu'il le faut. Parlez, je vous écoute. Et d'abord, mon voisin... Voisin, voisin, pourquoi diable m'appelez-vous voisin? Pourquoi je t'appelle voisin ?» répond Cricri, s'étendant de nouveau sur le canapé, les pieds croisés sur l'un des bras du meuble, la tête appuyée au coussin, et suivant des yeux un jet de fumée de tabac qu'elle vient de lancer vers le plafond. « Dame, je t'appelle mon voisin parce que nous sommes voisins. » Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous sommes voisins puisque je loge dans la même maison. Vous n'êtes pas heureuse dans vos plaisanteries aujourd'hui, ma chère. Celle-ci est faible. Ah, tu crois que je plaisante, mon petit? Allons donc, vous me prenez pour un niais. Et si c'est pour me débiter de pareille sornette que vous m'avez demandé un quart d'heure, ce sera du temps joliment bien employé. Veux-tu faire une chose? Quoi? Envoie ton domestique à l'instant chez le portier de la maison et fait demander s'il est vrai, oui ou non, que j'ai loué l'appartement vacant au premier étage de la maison. Tu verras, mon petit, si je plaisante. » Et Cricri, faisant de nouveau tourbillonner vers le plafond la fumée de son cigare, et la suivant des yeux, ajoute « Et voilà, voisin. » Monsieur de Luxeuil, stupéfait, et quoique à demi convaincu par l'offre si péremptoire d'une vérification immédiate de son dire, proposée par Cricri, monsieur de Luxeuil reprit « Vous ?» Vous, locataire dans cette maison? Tiens, pourquoi donc pas? C'est impossible. Alors envoie ton domestique au renseignement. En tout cas, vous ne resterez pas 24 heures ici. Quand on saura qui vous êtes, on le sait. Allons donc. Est-ce que l'on vous aurait loué cet appartement? Très bien. J'ai dit à l'intendant que j'avais posé les torses chez le papa Ingres. Danser aux folies dramatiques. Et de plus, comme il m'avait vu hier entrer chez toi, te faire une scène, il savait bien ce que j'étais. Comme tu dis si galamment, mon voisin. Non, non, je ne croirai jamais que M. Wolfrang ait consenti. Non seulement cet amour de propriétaire a consenti à me prendre pour locataire, moi, Cricri, quoique son intendant lui ait dit ce que j'étais. Mais cet amour de propriétaire m'a fait demander si je désirais quelques meubles plus riches que ceux qui garnissaient l'appartement. Ah ah, en voilà un de propriétaire modèle dont les locataires devraient souscrire pour le faire empailler avec des yeux d'émail et le mettre sous verre. » Monsieur de Luxeuil n'en pouvait plus douter. Cricri disait vrai. Cette conviction l'exaspérait, car le voisinage d'une pareille créature, capable de ne reculer devant aucun scandale, lui devenait odieux. Cependant, ne se résignant pas encore à croire ce qu'il redoutait, il reprit « Vous ne me persuaderez jamais que par un caprice qui n'aurait pas de nom, vous quitteriez votre appartement de la rue de la Vréda. » Où vous êtes établie comme une princesse pour venir loger ici en garni. C'est cependant la vérité, et c'est toi qui es cause de mon déménagement, trop aimable monstre. Moi, toi seul. » Et l'effronté ajoute en chantant sur l'air de Larifla, alors en vogue, « Oui, oui, mon bel ami, Cricri se loge ici, pour être la petite scie à son Gustave chéri, Larifla, fla-fla, fla-fla. » Monsieur de Luxeuil, ne comprenant rien, à l'argot de l'ex-modèle, reprend impatiemment, « Quoi? Comment? Qu'est-ce qu'elle vient me chanter avec sa scie ?» Cricri, jusqu'alors nonchalamment étendu sur le canapé, se redresse en lançant au jeune beau un regard de vipère. Puis elle lui dit d'une voix sourde où vibre sa haine, jusqu'alors dissimulée sous une apparence railleuse, « Écoute-moi bien, Luxeuil. J'ai eu pour toi plus qu'un caprice. Je t'aimais vraiment. Et comme une bête que j'étais, je ne t'ai jamais demandé un liard. Je me serais ruiné pour toi. » Tu m'as méprisé comme la boue de tes souliers. Tu m'as fait défendre ta porte par ton balai. Je ne suis qu'une fille, je le sais bien. Je me moquais du dédain des autres, mais ton dédain à toi m'a mordu au cœur preuve que j'éprouvais pour toi quelque chose que je n'éprouvais pour personne. Mais sois tranquille, va, ce quelque chose-là est passé, je te hais maintenant autant que je t'aimais. Voilà pourquoi, entends-tu, je suis venu loger dans cette maison. Et tu ne sais pas ce qui t'attend. Si tu te doutes de ce que je dis, regarde-moi bien entre les deux yeux, et tu verras qu'ils ne sont pas tendres, mon voisin. Quel air méchant! Elle est devenue hideuse. Elle me donne la chair de poule, pensait M. de Luxeuil. Et voilà de ces choses qui n'arrivent qu'à moi. Je ne peux pas avoir la plus passagère liaison avec une femme sans qu'elle devienne amoureuse forcenée. Je sais cela, mais je suis assez imprudent pour... Ah, morbleu, la leçon me profitera. Après ce nouvel hommage rendu à la dangereuse fatalité de ses séductions personnelles, M. de Luxeuil reprend tout haut avec une affectation de parfaite insouciance. « Diable, ma chère, la comédie tourne tragique. Et que prétendez-vous faire, s'il vous plaît, ma charmante voisine, puisque bon gré mal gré, nous voici voisins ? Je compte te faire et je te ferai tout le mal que je pourrai. Merci de la franchise. Mais enfin, ma chère voisine, quoique je ne doute pas de vos gracieuses intentions à mon égard, vouloir n'est pas tout, il faut pouvoir. Oh, ne t'inquiète pas, je pourrai. Mais encore, j'aime mieux être prévenu. J'ai horreur des surprises, même des plus aimables. Et de ce nombre sont celles que vous me ménagez, mon angélique voisine. Après tout, reprend Cricri, pourquoi ne pas te donner un avant-goût de ce qui t'attend sans compter l'imprévu ? Et l'ex-modèle jette un regard sournois sur le coffret renfermant la correspondance amoureuse de Luxeuil, puis « Oui, oui, quand tu vas savoir ce qui t'attend, je te défie de faire l'aimable avec la femme que tu vas voir ce soir à l'opéra, et de plus, je te défie de fermer l'œil de la nuit. Ça sera toujours autant de gagner. Écoute-moi, mon voisin. » « Ah, l'exécrable coquine !» pensait le jeune beau. « Dans quel guépier me suis-je fourré ?»